Ouais, bonsoir à tous les mecs du rap français. Petit comédien, petit humoriste. Nous on est là en direct du 9-3. Ici c'est la jungle. Tous les soirs Yaska. Tous les matins Yaska. Tous les après-midi Yaska. Et quand y'a ça, y'a plus que ska. Alors arrêtez de nous raconter vos mythonades, hein. Parce que nous, on est là, on a faim tous les jours. Alors ramenez-nous un peu l'oseille. 9-3. Mec de chez moi, c'est que je suis cool et le sang. C'est que quand la foule est saoulée, c'est pour faire couler le sang. Yaska. Comme un toxo qui consomme 10 lignes au sang. Comme quand les émeutes ou les guerres touchent des civils innocents. 9-3. Mon frère, plus personne veut venir y passer du temps. Les mutants, ils nous envoient des profs, des schmitts débutants. Yaska. Comme les inconscients qui croient que c'est trop tard. Y'a aucune ambiance et les c'est chez Congo contre Crocom. Préférons le tuer que sucer ta bite pour de la thune. Tous les jours à la une, frère, on dirait que j'habite sur la lune. Yaska. Le petit frère ajoute une cagoule sur sa boule. Les seules zones interdites, c'est nous avec la folie de Kaboul. 9-3. Deux chiffres sur la plaque d'un ML et même elle. Frère, aussi bonne qu'elle soit, tout ce qu'elle m'y donnera, c'est le Mac LL. Yaska. Tu ramasseras si tu viens changer d'air. Déclenche une rique, sa mère, plus un gros nique, ta mère. 9-3. Mec de chez moi, c'est que je suis cool et le sang. C'est que quand la foule est saoulée, c'est pour faire couler le sang. Yaska. Y'a le rodéo, puis y'a l'essence, indécence. Demande à l'offensive, indépendant depuis la naissance. 9-3. Mec de chez moi, c'est que je suis cool et le sang. C'est que quand la foule est saoulée, c'est pour faire couler le sang. Yaska. Tu ramasseras si tu viens changer d'air. Je te déclenche une rique, sa mère. Plus un gros nique, ta mère. 9-3. Passoir et chocolat, vanille, c'est mani. Une sale réputation, tu perdras tes potos, ta famille. Yaska. Grave du bruit devant les gens, ah. Sans là, tu crois que la race te regroupe, les frères tuent pour du chant. Toute l'année l'ambiance est l'oseille, plus de sommeil. Boyeuse à Pôle Nord, nique en bécane pour voir des soleils. Yaska. Qui soutient la famille, est-ce qui fait ski? Sa mère elle mange pas, elle a brûlé, ça c'est un jet ski. Rajoute tout le daron qu'abuse, ça l'amuse. Je veux voir les petits qui se cachent dans la tête pour vestir les fermus. Yaska. Tu pèses pas de bateau, l'avion classe, pavillon classe. T'es cramé au quartier comme la mélodie du camion glace. Je serai celui qui s'en va sur la vie de ma mère. Ils parlent tous de quand se va, y'en a qui ont jamais vu la mer. Yaska. Ouais frérot, certains meurent trop tôt. C'est la vie sauve. On se croit fort, il nous manque le courage de la mer à Tissot. 9-3. Mec de chez moi, c'est que je suis cool et le sang. C'est que quand la foule est saoulée, c'est pour faire couler le sang. Yaska. Y'a le rodéo, puis y'a l'essence, indécence. Demande à l'offensive, indépendant depuis la naissance. 9-3. Mec de chez moi, c'est que je suis cool et le sang. C'est que quand la foule est saoulée, c'est pour faire couler le sang. Yaska. Tu ramasseras si tu viens changer d'air, je déclenche une rique, sa mère. Plus un gros nique, ta mère. 9-3. Demande aux dollars encerclés par des tourelles. La rue t'invite, ta piquera, va croire que le bénéfice est pour elle. Yaska. Elle tape si tu l'encules pas, c'est que tu postules pas. Ici on s'en branle d'avancer du moment qu'on recule pas. 9-3. Si c'est mon toit, j'innove, c'est le moment d'agir l'homme. Qui dépasse la demande, la vie sponsorisée par Smirnoff. T'es pas capable de trace, si tu pètes un câble passe. Le chlasse que je pécou sur une quête pas lourde comme une table basse. 9-3. Nique sa race, la boîte de Pandore, on charge à Andorre. Pas dire à ma femme que je pense au problème quand elle s'endort. Yaska. Tous veulent vivre à chaussée d'antin, pour pandin. Tu mentiras pas, sur ton front c'est tagué porte de pantin. 9-3. Tu seum pour se réchauffer quand la banquise est glaciale. On verra jamais l'arrivée, le but qu'on vise est spatial. On garde la pêche en civière, méchant caillou, gentil pierre. Disons simplement que j'en ai tellement honte que j'en suis fier. 9-3. Mec de chez moi, c'est que je suis cool et le sang. C'est que quand la foule est saoulée, c'est pour faire couler le sang. Yaska. Y'a le rodéo, puis y'a l'essence, indécence. Demande à l'offensive, indépendante depuis la naissance. 9-3. Mec de chez moi, c'est que je suis cool et le sang. C'est que quand la foule est saoulée, c'est pour faire couler le sang. Yaska. Tu ramasseras si tu viens changer d'air. Je déclenche une rique, sa mère. Plus un gros nique, ta mère. 9-3. Mec de chez moi, c'est que je suis cool et le sang. C'est que quand la foule est saoulée, c'est pour faire couler le sang. Yaska. Y'a le rodéo, puis y'a l'essence, indécence. Demande à l'offensive, indépendante depuis la naissance. 9-3. Mec de chez moi, c'est que je suis cool et le sang. C'est que quand la foule est saoulée, c'est pour faire couler le sang. Yaska. Tu ramasseras si tu viens changer d'air. Je déclenche une rique, sa mère. Plus un gros nique, ta mère.